besoin d'être bordé. J'ai grandi au bordé. Précipite après s'ils disent tu finis débordé. Hordé, sentier battu, mon chemin j'ai bâti. Senti le bâton, j'ai pas le vécu, j'y mène badi. Je me suis battu, fait jeter en pâture. L'école c'est pas dur, sauf si t'as pas d'une. Système corrompu, à quoi bon qu'on répleu. Ils sont déjà convaincus avant même de nous connaître eux. Jugé, observé, sujet à toutes sortes de préjugés. Frère, j'ai beau juré, coupable, je suis présumé. Pressuré, fissuré, je sais que mon fils n'aura pas une vie rêvée. Car leur rage est viscérale, entre vice et rap, on évite les drames. À part la rue, faut dire qu'y'a personne pour ouvrir ses bras. Ce qu'on vit c'est grave, demande à Benzema. Dans un pays de Tisra, dévoiler ses peines c'est mal. Je déploie mes ailes, pique comme une abeille. La vie n'est pas la même qu'on s'appelle Steve ou Abdel. Si je suis pas Charlie, je suis pas pour la charia. Quand j'arrive, je crie mes peines, je suis pas là pour faire Zarma. Je déploie mes ailes comme une abeille, la vie n'est pas la même qu'on s'appelle Steve ou Abdel. Si je suis pas Charlie, je suis pas pour la charia. Quand j'arrive, je crie mes peines, je suis pas là pour faire Zarma. Ils veulent que je freestyle, croyant que c'est petit gras. Que je vive d'amour et d'eau fraîche ou je parte en disgrâce. D'après ce qu'on dirait, l'avenir se dégrade. Faut que ça paye, la terre se dérègle, la misère pète des crânes. Les schlags font la queue pour une galette. Pendant que je dois ma galère avec un flash et une canette, je mène une vie de mécréant, de couffard. J'ai beau tout faire dans les règles, je suis de ce pour qui tout foire. Tu sais la Seine-Saint-Denis n'a rien de poétique. Ici la Zermie n'est qu'une question de politique. J'aurai la peau des fils qui disent qu'on se lamente. Dans sale monde faut si peu de fric pour qu'on se lamente. Nique sa mère, ceux qui disent qu'ici y'a que des sages. Je viens d'ici, suffit que je sois loin d'ici pour que ça manque. Tout ça montre, c'est dur de changer les choses. Chantier auto, j'ai pas d'avenir et censé être drôle. J'déploie mes ailes comme une abeille, la vie n'est pas la même qu'on s'appelle Steve ou Abdel. Si je suis pas Charlie, je suis pas pour la charia. Quand j'arrive, je crie mes peines, je suis pas là pour faire Zarma. Je déploie mes ailes, pique comme une abeille. La vie n'est pas la même qu'on s'appelle Steve ou Abdel. Si je suis pas Charlie, je suis pas pour la charia. Quand j'arrive, je crie mes peines, je suis pas là pour faire Zarma. Je marquerai mon époque, ça je le promets. Ceux qui me regardent des deux baisseront la tête en premier. Prenez note, j'ai pas l'intention de me renier. Renoir Babtou, choisirai pente mon père et ma remet. Je suis pas responsable de l'image que je reflète, ni tous ces préjugés racistes qui font recette. Bad rap, je recèle, face frappe, je procède. Arme, crack, gros terre, la rue H-Neck, trop de frères. Instable, trop fier, gauche, droite, je crochette. On verra la semaine prochaine si tu cherches pas à trop faire. Cherche pas le trophée, rap, game, quelle connerie. Pour vivre de ta précaire, pas besoin des lois El Khomri. Est-ce qu'on vit sans tête en tant qu'ex-tola? Avant que cesse l'orage, m'entête comme le Hezbollah. Laisse connard, on peut sourire, on peut se check. Mais n'oublie pas, je suis ni ton con, ni ta petite schneck. Aïe aïe aïe, ni ton con, ni ta petite schneck. Hein? 18ème au MRI. Hein? Ça vole comme le papillon, ça pique comme l'abeille. Hey yo mon gars, 18ème, t'es SRQ. Des cercles.